Elle t'avait juré fidélité, hein. Elle t'avait même idéalisé, hein. Elle savait te canaliser, yeah. C'était la seule à t'analyser, hein. Elle voulait juste te soutenir quand tu n'allais pas bien secrètement. Mais tout ça fait des souvenirs. T'as préféré l'abandonner bêtement. Pris tes jambes à ton cou, t'as préféré mettre les voiles. T'as pu donner de nous, solo t'as tourné la page. Maintenant tu reviens comme une fleur, mais tu n'as plus de pétales. Elle a refait sa vie, maintenant c'est mieux que tu t'en as. Dis-moi à quoi tu joues, tu sais qu'elle est mariée. Toi t'as passé ton tour, tu reviens trop tard, maintenant elle t'a oublié. Tu l'as perdu pour toujours, mais tu veux qu'elle te dise oui, oui. T'étais pas là pour l'assister, yeah. Quand tu l'as laissé attrister, hein. Tu repenses à elle, à son odeur sur tous tes vêtements. Et t'as brisé son cœur d'un coup alors qu'elle t'aimait tellement. Elle vit ses plus beaux jours, maintenant elle est loin de toi. On est loin de l'époque où elle voulait vivre sous ton toit. Maintenant tu reviens comme une fleur, mais tu n'as plus de pétales. Elle a refait sa vie, maintenant c'est mieux que tu t'en ailles. Dis-moi à quoi tu joues, tu sais qu'elle est mariée. Toi t'as passé ton tour, tu reviens trop tard, maintenant elle t'a oublié. Tu l'as perdu pour toujours, mais tu veux qu'elle te dise oui, oui. De son cœur, tu les as jetés à l'eau. Maintenant tu veux les retrouver, mais t'es fou, réveille-toi à l'eau. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Elle va te dire non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Dis-moi à quoi tu joues, tu sais qu'elle est mariée. Toi t'as passé ton tour, tu reviens trop tard, maintenant elle t'a oublié. Tu l'as perdu pour toujours, mais tu veux qu'elle te dise.